J'ai un nouveau micro. J'ai un nouveau micro. Je serai toujours beau. J'ai un nouveau micro. J'ai un nouveau micro. J'ai fardeau.